نعم بسم الله الرحمن الرحيم Il y a rien pour aujourd'hui? Voyez. Donc Inch'Allah, on continue dans ce qu'on avait commencé hier, c'est-à-dire les i'rab muhtasar, en résumé des phrases qui sont dans ce texte. On s'était arrêté à fi hadikatun sariratun. طيب ثم هذه غلفتي هذه هي كوا مبتدا وغلفة خبر وهو خبر مضاف والياء مضاف إليه فيها نفيلة كبيرة وملوحة جميلة هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي فهذا للقميص مبتدا سرير خبر لمضاف والمتكلم مضاف إليه وهذا كرسي هذا مبتدا كرسي خبر والمضاف والمتكلم مضاف إليه et là c'est une règle spéciale ce ya s'il vient avec كرسي on dit كرسي ya comme on avait dit et le tafsil sur la mas'ala inchallah il viendra dans un autre ders il y a des mots comme ça qui finissent par ya alors qu'on met ya mutakallim on met ya à la fin وهذا مكتبي هذا مبتدا مكتب خبر وهو مضاف ومكتبي ويا متكلم مضاف اليه ساعتي وقلمي وكتابي على المكتبي ساعة مبتدا مضاف يا مضاف اليه واو عطف قلمي معطوف فجاء اليكم ساعة كتابي ابقى واو باي يبقى ابقى واو حرف عطف من يسكي يبقى واو سابونس كي افون واو سابونس معطوف نعم مبتدا Là, il y a une telle ça. C'est tout. Les autres juste, ils le suivent dans l'irlob. Et ala harf al-jar, wal maktabi ism majrur bi ala, et ala al-maktabi khabar. Wa haqibati tahta al-maktabi. Haqiba mubtada, wal ya mudaf ilayhi tahta. C'est quoi tahta, on avait dit? Mahou? تحت خلف مع فوق ظرف مكان اي لمضاف المكتبي مضاف اليه تقصد اسماء ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي ظرف سي والمكتبي مضاف إليه ونافذة غلفتي مفتوحة نافذة المبتدا المضاف غلفتي مضاف إليه مضاف والياء مضاف إليه ومفتوحة خبر ده نافذة طيب وصلت لا لورس بو الحمد لله سي مفهوم donc on revient ce qu'il disait à la fin اقرا Là, il présente quoi? Un fi'l mudhari'. Un fi'l mudhari', ça. Là. Là. Là. Ijlis. Ijlis. Ijlis. Ijlis. Ijlis. C'est un verbe au présent. Ijlis. Au scout. Là. Non, plaquette. Non. C'est Moudari, c'est présent. Le taktoubalani fuk. Donc là, c'est un fil, comme on disait, fil Moudari, un fil au présent. Les temps en arabe, ils ont trois temps, les fils. Mardi, passé. Moudari, présent. Moustakbel, futur. C'est tout. Et il y a un seul passé et un seul présent. Je ne sais pas comment en français ou je ne sais pas combien de temps. En arabe, tu as ces trois temps-là. Ou Alhamdulillah. Et aussi l'impératif, le Amr. Ça y est. Ça y est. Première phrase, il dit Uhibbu Abi wa Umi. Ça veut dire quoi, uhibbu? Ça veut dire, en fait, ça vient du verbe ahabba, yuhibbu, c'est le verbe aimer. D'accord, attends. Le premier exercice, yaqra waktub. Ah, celui-là. طيب احب ابي وامي طيب لا c'est un verbe مضارع ça veut dire احب c'est moi j'aime طيب احب deuxièmement احب اخي واختي j'aime mon frère et ma sœur troisièmement احب زميلي j'aime mon collègue ou mon camarade رابعا احب استاذي j'aime mon enseignant رابعا احب الله j'aime Allah donc là regarde c'est quoi la harakat sur la jalala la kalimat Allah c'est une fatha là maintenant il est mansoub طيب il est mansoub pourquoi parce que ça s'appelle un maf'oulun bi طيب maf'oulun bi والاسم الذي وقع عليه الفعل c'est le nom sur lequel l'action est tombée طيب مفعول به مفعول مفعول مفعول مفعول به طيب donc là c'est et il est mansoub sur ce quoi agit le verbe نعم sur quoi se tombe l'action نعم نعم on dit comme ça نعم احب الله donc là الله il est منصوب لفظ جلالة il est منصوب parce que c'est un مفعول به مفعول به son dialogue c'est qu'il est منصوب et il est منصوب à la base avec une fatha et avec d'autres choses qui viendront plus tard mais l'origine c'est la fatha ثالثا احب النبي صلى الله عليه وسلم voilà pareil النبي il est منصوب pourquoi parce qu'il est مفعول به احب اللغه العربيه donc احب c'est un fil مضارع au fait de احب il est où le فاعل c'est un ضمير مستتير طيب et c'est انا طيب احب انا j'aime moi donc il ne se prononce pas مستتير مستتير نعم لا يا فتو C'est deux têtes, Moustatir. Moustatir. Il y a rien? Là, Moustatir. Avec un arabe et un arabe. On a dit que ça voulait dire. Dissimuler. Et ce domir, à la base, c'est Anna. Mais tu ne le vois pas. Mais tu le sous-entends. Tu verras souvent dans le film Moudaria, quand il y a avec Anna, le Anna il se dit pas. Tu dis, Afalou Kaza, je fais telle chose. Adhabou Léonak, je vais là-bas. Vous voyez, tu ne le vois pas. Mais le sous-entendu, c'est un Arnaud. Voilà le temps. Donc Al-Loura, là, il est wesh, Mafoulon B. Donc il est Mansoub. Comme on a pris. Vous voyez, Mafoulon B. Et l'Arabia, il est quoi? Aya. Ah non, hein? Non, Sifa. Non, Nat, Arsène. Et il suit le Mansou, donc il prend. Il prend la même dialogue que lui, le Mansou. T'as dit Aïna l'Arabia? Hein? T'as dit Aïna l'Arabia? Hein? Ou Hibboul l'Orat et l'Arabia? Ah, oui. Bismillah. Voyez? Oui, c'est pas grave. طيب et regarde la différence avec les exemples précédents avec regarde احب ابي وامي اين الفتحه ما في فتحه ايوه pourquoi parce que le ism qui mudaf ya mutakallim il n'accepte aucune harakat à part la kasra par rapport au ya qui vient derrière Donc la haraka, la fatha, on ne peut pas l'avoir. Si du mutada, tu vas dire Abi Kabirun. Il n'y a pas de dhamma. Voyez, elle est cachée par la kasra. Si tu dis Ra'aytu Abi, là il va être maful bihi. La fatha, tu ne vas pas l'avoir. Et si tu dis Sallamtu ala Abi, la kasra qu'il y a dans Abi, ce n'est pas celle du jar. C'est celle qui se met avant le ya de mutakallim. Ça viendra après, Inch'Allah. Donc les mots qu'on a, ya mutakallim, la harakat, elle n'apparaît jamais. Elle rentre un peu dans le même hukm que Mustashfa, Moussa, Isa. Vous voyez, ça rentre dans le même chapitre. Non, ça rentre dans le même chapitre, il y a une petite différence, mais ça rentre dans le même chapitre. Où la harakat, comme on dit, elle est muqaddara, elle est sous-entendue. Mais tu ne peux pas la voir. Mais voilà, ici, non. Moi, je n'ai pas compris. Pourquoi Fa'il Mustatir? Pourquoi Mustatir? Parce que tu ne le vois pas, il n'est pas là. Ouais, mais ouais. Un fi'il, il a forcément un fa'il. Ouais, ça, c'est vrai. Vous voyez, mais tu n'es pas obligé de le mettre, tu n'es pas obligé de l'écrire. Moustatir, ça veut dire moustatir, c'est quelque chose qui est dissimulé, qui est caché. Et c'est quoi qui est caché dans le fa'il? Le fa'il, le même. Tu as quoi, uhibbu abi et uhibbu ana abi. Ouais, ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Mais dans les arabes, quand tu fais le grammatical, tu dis le fa'il c'est ana et le moustatir. Mais toi, quand tu prononces, quand tu parles, tu lis, il n'est pas là. Tu ne le vois pas. Et à l'arabia, tout ça, c'est maf'oulun bihi, ça? Al-lura, maf'oulun bihi, al-arabia, na'at. La, uhibbu hadha fi'l, uhibbu hadha, la. Uhibbu fi'l mudari'a. Fi'l mudari'a, oui. Naam. Thumma, al-fi'il ana. Thumma, al-lura, al-lura, maf'oulun bihi, al-arabia, na'at. Mudari'a, c'est comment? Mudari'a. طبعا مضارع طيب ميم ضاد الف راء عين مضارع طيب نواصل الدرس الثاني عشر الدوزيام لوسون الدوزيام لوسون concerne quoi le ta'nif les ahkam du ism mu'annas du féminin طيب du féminin طيب هنا تكست هنا سعاد والبنت طيب en guise de tahrib li Ahmed tu vas lire سعاد et Abdel Kader comme ça البنت je sais que t'es pas une bite mais tu prends le voilà ça tu lis les paroles de البنت après ton kitab ça va être quoi le sujet du mouannaf le féminin non certaines ahkam du mouannaf le domir ou طيب تفضل السلام عليك ورحمة الله وبركاته وعليك وعليك السلام لا وعليك السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هذا بنتين سعد بنت والبنت الثانية بنت كيف حالك يا بنت انا بخير والحمد لله من اين انت انا من الرياض ما اسمك لا ما اسمك نعم اسمي آمنة اين ابوك أبي هنا في المدينة النبوية هو موجه ils ont oublié de mettre la shadda c'est un recteur en fait ils ont oublié de la mettre sur le jim c'est موجه وأنا من الرياض هل من الرياض voilà من الرياض نعم من الرياض نعم ليش لا أريد أن أعرف ها لا أريد شيء من الرياض من الرياض من الرياض الرياض في ألف واللام المدينة الرياض في المملكة في الرياض هو موجه في المدرسة الثانوية ثانوية وأين أمك نعم هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة l'accouchement, la maternité, en fait. Où il a Hadaf qui concerne les enfants. Et donc là, ça sera traduit par maternité. Donc ça, je fais tout. Ada, la maternité. Non, les moudas filay. ومن هذا هذه ومن هذه فتاة التي معك c'est pas fatā fatā c'est le moins de fatā et fatā c'est comme roulem c'est un jeune garçon ou un serviteur mais là ils veulent dire une jeune fille fatā التي نعم بل تمر بتسكين نعم والمصدر c'est fatā avec un alif maksoura معك Miletouki. Zamil, camarade, collègue. Zamil. Non. C'est pas Zamal. Zamil Atouki. Ah, t'as composé avec Zamen. C'est Zamil. Non. La Anafim, Anafim Madrasati, Moussawa, Moussawa, Sifati, Wahiafim Madrasati, Sanaouia. Là, je pense que c'est le lycée, Moutawasita. Sanaouia, c'est le collège. Et Moutawar Histati, c'est le lycée. Et les petits c'est primaire. Al-Dati Ouktoul. La Mali Ouk. Mali Ouk. Al-Dati Ouktoul. Naam, si Akhoun Kabirun, wa huwa Talibun bil Jami'a. Wa man hazal Tif. Tif al-Ladhi Ma'aki. هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. سعد. أمك. أمك في البيت الآن في البيت الآن. لا ذهبت إلى المستشفى. طيب. شو اللي منو واحد بيلا ولا كنيسة؟ طيب. Donc là, le shahid du ders, voyez, la partie qui nous concerne, c'est le damir al-mu'annas al-mukhatab. Le damir al-muttasil al-mukhatab muzakka, on a dit c'était quoi? Damir muttasil al-mukhatab muzakka. Mufrad. Attaché. Muzakka. Masculin. Mufrad singulier. C'est quoi? Huwa. Là. Muttasil. Attaché. Attaché. Mukhatab. Moutawak, c'est ton avis. Là. Moi, je te parle. Anta. Ah, ouais, mais le Moutassil, c'est quel? Accroché. Anta, c'est le Moutassil. Non. Maintenant, le Moutassil, c'est quoi? Moutassil, c'est. Comment tu dis ton livre? Le Kitab. Ah, ouais, Kitab. Kitab, ok. Arsène. Enfin, là, maintenant, le Death concerne quoi? C'est même Kef, mais au Mouannes. Moutakar, il est Baftour, avec le Fatra. Mouannes. Il est maksour avec le kafra. Kitabuki. Vous voyez, Kitabuki. Al-Mutawassita, c'est collège. Mutawassita, non, c'est le lycée, je crois. Collège, c'est Sanaouia. Sanaouia, ouais. Mais ici, Mutawassita, c'est mon mi-collège aussi. Hein? Ton mi-collège aussi? Bah, peut-être qu'il y a. Alors, parce qu'aussi, peut-être qu'ils ont vu sur le. Ils sont basés peut-être sur le. Traduction par rapport à l'anglais, parce que. Ça se dit au truc, le lycée, là, avant le collège. الله أعلم. طيب اقرأ واكتب الجملة الأولى عندك يا محمد. اقرأ واكتب كيف حالك يا أبي كيف حالك. أيوة الآن يبقى كي à son père. Donc là يخاطب المذكر. Donc tu dis كيف حالك يا يا c'est quoi on a dit يا حرف حرف نداء أحسنت نداء نعم et le اسم الذي يأتي بعد et le اسم qui vient après حرف نداء comment il s'appelle on n'avait pas pris encore اسم c'est si on l'avait pris on l'avait dû prononcer mais on l'avait pas écrit maintenant on va l'écrire inshallah et à ce qu'il y a هات القلم ها هذا القلم قلم معي ها هنا Donc, quand tu dis par exemple, Ya Mohamedou, wa alaykoum salam. Donc là, deux éléments. Al-awwal, hadha, kulna wa harf, harf nida. Wa thani, yusamma al-munada. C'est celui qui est appelé. Voyez. Là, là c'est un munada. C'est pas un fa'il. Voyez. Si je dis Ya Ahmedou, le Ya c'est harf nida, c'est la lettre d'appel. Et munada, celui qui appelle, c'est toi. Harf nida. Non. Munada, harf nida. Harf nida, ça veut dire la particule d'appel. Particule d'appel. Non. Et le munada, c'est celui qui est appelé. Voyez. Interpellé quoi. Interpellé, non. Juste avec le. Ah, c'est ça. Non, il y a d'autres lettres. La première c'est Ya. Maintenant il y a d'autres lettres. On y va. Le Munada. Munada, non, comme Moussa. Munada. Non. Vous voyez Munada. On avait dit quoi? Que le nom propre qui est appelé, il se connaît Ism Alam. Vous voyez? Comme Ahmed, Mohamed, Zaid. Ouais. On dit qu'il n'y a pas de tanouin, il prend une dama directement. Sans tanouin, besoin de tanouin. Ya Mohamed. Ya Mohamedou, par exemple, tu prononces. Ya Mohamedou. Là, tu dis Ya Mohamedou. Tu prononces la haraka, tu dis Ya Mohamedou. Vous voyez ? Attention, le Munada, il a des accents différents. Vous voyez ? Là, dans celui qu'on prend, le plus qu'on comprend, c'est le Ism Alam, c'est le nom propre. Vous voyez ? Ou la chose fermée. Mais il y a des choses qui viennent dans d'autres koutoubs, qui prennent d'autres règles que celle-là. Là, c'est la première règle. D'autres règles se trouvent plus tard, inch'Allah, dans d'autres koutoubs. Quand tu appelles une personne que tu connais le nom ou une personne que tu connais. Vous voyez ? Là, il va être quoi ? Avec une damba. Vous voyez ? Avec une damba. Attention, on a dit que c'était pas ma foi. Je ne sais pas si vous rappelez. Il y a une damba, mais il n'est pas ma foi. C'est un autre truc. Vous rappelez-vous, quand vous dites ça, vous dites Ya Mohamedou. Ya Khalilou. Ya Ahmedou. Ya Fouladou. Akaza. Vous voyez ? Voyez, après, donc là il dit Kaifa Haluka, il y a Abi. Donc le Munada là c'est Abi. Et quand on a dit que lorsque un nom est Mudaf, un Ya Mutakallim, la Halakat elle apparaît pas. Quand un nom est Mudaf, il est Mudaf, par exemple à la base, c'est Ab. Là, pour dire mon père, on est obligé de mettre un Damir. Mon père. Donc on fait quoi? Abi. Là, il est Moudaf. Et le Ya Mutakallim, il est Moudaf. Il est. Vous voyez ? Ça, c'est un Ya. C'est un Ya. Le Ya, il ne peut accepter que avant lui, une kafra. Il peut dire Ya Abouyi. Bien que des gens le disent. Mais à la base, faut. À la base, tu dis comme ça. Ya Abi. Tu ne peux pas dire Ya Abaï. Donc, tu es contraint à mettre une kafra. Et cette kafara, elle t'empêche de mettre les autres harakat qui sont de rigueur à la base. S'il serait Moutada, on a besoin de quoi? D'une damba. On ne peut pas la mettre à cause de cette kafara. S'il était Bafolbihi, on a besoin de quoi? D'une fatha. On ne peut pas la mettre à cause de cette kafara. Et s'il était Majrour, il aurait une kafara pareille. Mais la kafara qui est ici, ce n'est pas celle du Jar. C'est celle du Ya qui est avant. Pour que ça puisse être facile à prononcer. Quand même. Donc. Al-Ya Mutakallim, il empêche de faire apparaître les harakats d'origine. Mais elle est là, c'est comme si en fait elle était sous, comme si elle était là, tu vois, et t'as une grosse kafra par-dessus en fait. Tu imagines la chose. Elle est là, mais tu ne la vois pas, tu ne la prononces pas. Donc là, Abi, dans la phrase, Ya Abi, Ya c'est harf nida, Ab Munada, et le Moudaf, il y a Moutakallim, Moudaf il est. Le Moudada c'est un seul isme, c'est pas deux. Pourquoi il est Moudada? C'est comme Moutada, si tu dirais par exemple Rasulullah Khalil Bachar, le Moudada il est où? C'est Rasul seulement. C'est juste Rasul. Et le Moudaf, Wallah Jalala, Allah Moudaf il est. Là c'est pareil. Le Moudada c'est juste le Moudaf. la première kalima. Le deuxième, c'est Moudaf Ilay. Attention à ça dans tous les chapitres. Quand on a un Moudaf ou Moudaf Ilay, c'est le Moudaf qui prend le Hukm seulement. Et le Moudaf Ilay, il est majeur, toujours. Le suit. Mais le Hukm, Mubtada, Khabar, Fa'il et Nakhulbi, c'est le Moudaf qui le prend seulement. Vous voyez? C'est le nom auquel tu lis quelque chose, l'appartenance. Auquel tu lis quelque chose, l'annexé comme eux ils disent. Tu vois, par exemple, tu dis Rasulullah, le messager d'Allah. Tu as fait appartenir le messager à Allah. Ah, tu vois, c'est l'alliance, ouais. Voilà, non. Rasul, Inch'Allah, Mohamed, il fera un khurafa, ce qu'on a fait depuis le début. Ça va? Inch'Allah. طيب جملة ثانية عندك يا عبد القادر سجل اسكت اجلس أين بنتك يا أمينة نعم يا يا أمينة يا لا يا جملة ثانية أحسنت باش تباسي باش تباسي كيف حالك يا أمي نعم كيف إيش حالك أيوة لبنان تخاطب مرأة بس كي كيف حالك طيب كيف حالك دونك لا باغي يا حرف نداء وأم أم في المنادى ولم تكلم مضاف إليه طيب جملة ثالثة عندك يا أحمد أين أبوك زينب يا زينب أين أبوك يا زينب يا زينب لا يا زينب لا يا زينب أين أبوك يا زينب نساء أبوك أين ابنك أين ابنك أين ابنك يا زينب يا زينب يا زينب ذهب إلى المسجد يا زينب نعم ذهب إلى المسجد نعم أحسنت بحرف جر نعم أحسنت فلا أين ابنك باسكو المخاطب سكي زينب مؤنث تقولي ابنك طيب يا حرف النداء زينب منادى هيك لدمة زينب يا حرف النداء حرف النداء وزينب منادى ذهب الى المسجد ذهب الى المسجد كوا في ماضي طيب الى وصف فاعل مستتر تقديره غير في انتوندو سي كوا ça vient à qui qui من ذهب هو الابن هي le père ابنه le fils le fils c'est où le fils t'es perdu donc là ايوه donc le dhamir vient à qui ابنكي Donc c'est Houa. Ça y est, Houa. Et quand tu vois le fil, Zahaba, tu sais que c'est Houa. Tu vois Zahaba comme ça, c'est Houa. Il n'y a pas photo. Il est Harfoujar. On nous dit, il est Majrouf. Rabian. Mais il a le Majid de Khabar aussi. Qui est Khabar? C'est une jumelle Fialiya. Ah ouais, merci. Attention à ça. Farouk Bidal Ismiya ou Fialiya. Fialiya, il n'y a pas de Khabar, il n'y a pas de Muntada. C'est quoi? Jumelle Fialiya, c'est une phrase qui commence par Fial. Ah, y a pas de y a pas de khabar. Non. Faddal, rabi'an. Comment? Aïe. Aïna, banatuka ya Amina. La. Wa bintuki ya wa. Non. Aïna bintuki ya Amina. Zahabat ila al-madrasa. Tayyib. On prend depuis le début. On prend une Mouraja. Aïna, c'est quoi? Qui c'est quoi ton Arabe? Aïna, c'est Khabar al-Muqaddam. Ahsante, Khabar al-Muqaddam. Bintouk? Bint. Bint, il est quoi? Bint, c'est Muqaddam al-Muqaddam. Ahsante. Et Moudaf? Moudaf. Ok, Moudaf, il est. Muqaddam al-Muqaddam, c'est-à-dire que le Khabar al-Muqaddam, il a été avancé. Et Khabar Mouakhar, Moutada Mouakhar, il a été reculé. À la base, Moutada, il est toujours en premier. Et le Khabar, il vient après lui. Et dans des cas, tu le décales. Tu mets le Khabar avant Moutada, dans certains cas. Et là, ça rentre dedans. ça s'appelle un khabar muqaddam et avancé, muntada mu'akhkhar. Vous voyez, brut. Naam. Ya aminatu, ya harf nida, wa aminatu munada. Unzuru, là un truc jadid, chez jadid, zahabat ila al madrasa. C'est fiat, mais c'est au féminin. Au féminin. Quand tu vois un te, naam. Le te là, s'appelle harf, s'appelle un. On a tout vu. Regardez. Zahabat. Zahabat. Yep. Ce tel là, il s'appelle Ta'nis. Ta'nis. Sakina. Le ta féminin, non? En fait, c'est un tsuta là. C'est un dalil que le fa'il c'est un mu'annas. Si tu vois ça, ta, c'est que le fa'il c'est hiya. Pour que tu différencies entre zahaba huwa et zahabat hiya. Ta'nis al-sakina. Ta'nisun. Non, ta'nisin. Mudafudun filay. Ta'nisin. Ta'nisin al-sakina. Voyez ? C'est un ta. Là, il ne suffit pas de ta. Pas de sakina. Sakina tout. Voyez ? Voyez ? Et c'est un dalil que le fa'il c'est hiya. Ce ta lui-même, c'est pas un damir. C'est un harf simple. Voyez ? Harf simple qui définit que le fa'il c'est hiya. C'est tout. Donc tu dis zahaba ay huwa wa zahabat hiya. Donc là, le fa'il il est où ? Zahabat, le madrasati, mustatir. Zahabat. C'est hier, c'est le tala. Le tala, c'est le fa'il. Là, c'est bon, c'est pas le fa'il. C'est pas le tala. Là, le mustatir, c'est qu'il n'est pas là. Ouais, c'est pas justement ce tala, c'est juste un bayyan que le fa'il, il est les le mouannas. C'est hier, mustatir. Là, il n'y a pas de fa'il. Le mustatir, dissimulé. Comme Zahaba, il est le mustachar. C'est le même fokm. Puisque là, pour que tu saches que ça fait bilan, ils ont mis un ta. Tu vois, mais ce tala, c'est un harf, c'est pas un fa'il. Faut faire attention aux autres quand tu dis Zahabtu, Zahabta, eux c'est des fa'il. Comme ça verra Inch'Allah. Mais celui-là, là, il est différent. Là, attends, partagez-le. Non. Vous voyez, Maria ? Donc attention à ce tel-là. Les gens, au début, font tout le temps. C'est quoi vous dire fa'il, fa'il, fa'il, fa'il, fa'il. Taïeb. Jumla Khamisa Andaman. Pour qui ? La cinquième phrase ? Elle est fou, l'aime. الساكنة فاون الساكنة تو يا بدا يا بدا تنوين لا تو تفضل نعم لمن هذه الساعة الجميلة ساعة لمن هذه الساعة الجميلة الجميلة تو يا بدا تنوين ألف واللام ساعة الجميلة هي أهي لك يا فاطمة؟ نعم هي لك. نعم. Donc à qui est cette belle montre? Est-ce qu'elle est à toi ou Fatima? Oui, elle est à moi. Et donc là le shahid c'est أهي لك يا فاطمة. لك. Voyez. On dit souvent لك. Les gens disent لك. Même quand on dit لك. Parce que les Arabes quand ils s'arrêtent sur un mot ils le laissent taïkin. Donc là, le lem c'est quoi ce lem là? La qui? La. C'est un moudaf? La. C'est Isma de. De quoi la de quoi? Le lem. Avant le kef. Avant le kaf? Non, c'est quoi? Mais c'est comme la ka, c'est. C'est quoi? Ouais, bah. C'est... Tu veux dire, tu veux savoir quoi? C'est quoi sa nature? La roua. Lem. La ka c'est. Ouais, moubtada. J'ai pas dit ce qu'on dit à l'homme. C'est quoi là? Le lem là? Le lam? C'est un mou. c'est pas un ism majrour, c'est un moutal, c'est un... J'ai dit quoi en premier? T'as rien dit jusqu'à présent. Si, j'ai dit un truc en premier. Le la... Le lem. Mahou. Man ya'lam. C'est un moutal, je t'ai dit. Le ta? La, le lem. Laka. Ou la kivel. Hadi lem mahia. Ah, c'est un damir. Alors, il se passe quoi alors? Il y a un nom, il les appelle. C'est pas un. Je sais que je vais entendre. Ah! Quoi, je veux dire, c'est quoi? Peut-être pas toi alors, voilà. C'est passé quoi? Le lem? Le lem du début là. Elle a qui? Quelle est? Elle, il y a la qui? Il y a Fatima. Nam, il y a li. Le lem du li, de la qui, c'est le même lem. C'est quoi ce lem? Là, ce li là? C'est lem. Le li? C'est le lien d'appartement. Je veux juste le lem, je veux pas l'IA. C'est quoi sa nature? C'est le li. Harfoudjar. Harfoudjar. Je crois que tu voulais qu'on dise le lem de l'appartenance en cherchant un arabe. Non, je veux juste sa nature. C'est quoi ça? C'est Harfoudjar. C'est un peu. Il a pas un autre nom? On l'a pas pris, c'est lem Ta'lil. C'est pas, on l'a pas pris, le poisson prend Harfoudjar. Là, on a pris le même milk, on avait dit. Pas Talil, milk. On l'avait dit, non. Talil, c'est un autre sens. C'est même l'homme, c'est un autre sens. Pour dire pour. Talil. Je vais bien ça, dit ça. Hada kalamuka ya Muhammadu. La, hada kalamuka anta. C'est où? Sixième. Ça, c'est Handa Ahmed. Fadl. Non, Fadl. هذا كلمك يا محمد قلمك هذا كلمك لا قلم هذا قلمك أيوة. يا محمد نعم هذا لا هذا طب لله لا هذا قلمك أنت قلمك هذا قلم قلمك أنت. Mais normalement, c'est pas ça. Vous dites, c'est une forme d'assistant. C'est un tout qui s'appelle. C'est toujours à toi. Voilà. En fait, ah. Ça, je dirais comme ça. Mais quand tu dis Hada Kalimuk. Hada, ceci est ton stylo. Kalamuk. Regarde, quand il dit Hada Kalamuk de Mohamed, est-ce que c'est ton stylo? Oh Mohamed, il dit non, son stylo à toi. Hada Kalamuk Anta. Il insiste. Tawkid, tu vois, ton stylo à toi. Ma femme? Le reposé. Là, Hada Kalamuka seulement. Ça suffisait. Lui, il va insister pour dire non, c'est le tien, à toi, pas le mien. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Non. Ça aurait été moi, il a dit, Hada Kalami Anna. Tu vois? Non. Sabihan. Mohamed. Tilka Sayyaratul Jamilatul. Allati kharajatul Khan min al madrasati lil mudir. نعم ده الان احنا ماشي تلكاس اسم اشاره تلكاس كم سوسي تلكاس مؤنث كم هذا في المؤنث ذلك في الفاميلو دو ذلك عفوا في اسم اشاره للبعيد للمؤنث في اللي بوش اللي لوان نعم في اللي بوش تدي دي كوا هذه Non. Mais bon, tu peux dire style qui va faire les proches, mais le meilleur c'est l'employé pour ce qui est plus éloigné. Non. Taïb. Elle a un achat une jadid ou elle l'a dit. Taïb. Elle l'a dit mahoua, elle l'a dit c'est if mausoul. C'est le moineuf de elle l'a dit. Taïb. Là c'est pour le moineuf. Tu dis Adar Rajoul l'avi kharaja min el madrasati, Moudar Rifoul. Et tu dis, هذه المرأة التي خرجت من مدرستي مدرسة. اسم موصول. Et là, c'est pour le مؤنث المفرد. المؤنث المفرد. مؤنث المفرد. طيب, ثامنا. Donc on n'a pas vu le... Non, on ne comprend pas. Non. Est-ce que tu es ingénieur, Youhari? Non, je suis médecin. Mais la fois qu'il arrive, Kharajat, c'est le fial. C'est un fial, non. Voilà. Non, parce que la dernière fois, l'avis à Al-Maktabi, c'est pas un fait qu'il naît. Ça, c'est un autre. Non, ça, on n'a pas compris. La phrase qui vient après Al-Lazi, elle a un hukm spécial. Pourquoi on l'a pas pris? On peut pas tout prendre. Ah, mais. Pour par étapes. Si je donne tout maintenant, ça va plus de Kitab Awel, c'est comme Kitab Mima. Ah bon? Le ce qui vient après, c'est dans le Kitab Salih, ça? Ça vient dans. Je sais pas dans quel livre, mais ça vient, Inch'Allah. Nous, on prend Habba Habba. Si je veux tout est prêt, tout, on n'est plus au Kitab Awel, enfin. Tu vois? Nous, je pense les choses qu'eux, ils veulent nous démontrer au Kitab Awel. Tu vois? Après, les autres choses qui sont pas dans le Bef, on les met de côté. Déjà, t'as compris ça, Alhamdoulilah. Maintenant, ce qui concerne le Nahu, après, tu sauras c'est quoi son nom, c'est quoi sa règle, c'est quoi son Mi'rab. Vous voyez? Naam. Tassian. Ah, au fait, dans le chahi, c'est Anta Mohandisoun Ya Ahi. Là, Anta, c'est un Damir. Là. Anta. Moutfassil. Il est Mukhatab Muzakkar Mufrad. Donc, c'est Anta. Vous voyez, Anta. Ya Ahi. Tu vois, le dalil, c'est Ya Ahi. Thumma, Tassia, deuxième phrase. أأنت طيبة أأنت طيبتي لا ليست طيبة طبيبة نعم أأنت طبيبتي يا أختي أأنت طبيبة أأنت طبيبة يا أختي لا أنا مدرسة مدرسة نعم وقال الشهيد سي أأنت من أصدقاء ضمير ضمير منفصل بغي المخاطبة المفردة C'est Hamza al-Istifham. Hamza al-Istifham, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à part. Al-Mukhataba. Non, c'est-à-dire pour une femme. C'est un taïf comme Tanara. Hein? Non. On dit qu'il est mu'akhar là? Là, il est à sa place. Anta, il est quoi, t'as dit? Mutada. Mais il a dit, on dit quoi? On dit pas qu'il est mu'akhar. Ah, non, c'est il a dit. Là, le alif, c'est Hamza al-Istifham. Ah, al-Takaza. Ça, le Hamza, il n'a pas d'arabe. C'est comme le lac Alaka. Non, mais ça l'a. Alaka Kaza. Taïb. T'as donné le deuxième exercice. Ikra, kulla jumlatin min jumla atiyati, thumma qraha ukhra, ba'd taghyir munada kama huwa muwaddihun fi al-mithal. Donc, vous avez des phrases. Taïb. Par exemple, il dit Aina qalamuka ya abi. Non, ou ton stylo, ou mon père. Donc vous regardez, ils mettent une phrase avec, comme si apparemment ils sont tous au Muzakka, et vous vous devez adapter cette phrase-là par rapport au Munada, à qui il parle. Par exemple là, il y a quand même Mouka Yabi, il parle à qui? À son père. Non, si ça a été omis, il aurait dit quoi? Si ça a été omis, il aurait dit quoi? Aïe, donc vous faites ça avec toutes les phrases, et vous adaptez le Damir en fonction du Munada qui est en face. À la maison, ça oui. Non, c'est le bête. Vous voyez? Si c'est un Mouhamed, qui? Si c'est un Mouzakar, qui a? On le fait ensemble ou c'est un. C'est le bête. Ah, un mot. Non, c'est le bête. Moi, faut que j'aille. C'est où que j'achète les livres? Il va te montrer Mohamed, chez le Hadrami. Mais c'est le Hadrami. Il vend des cahiers avec des stylos. T'as de l'argent, j'espère. Hein. Il y a tout, Inch'Allah. Voyez? On va s'arrêter là, Inch'Allah. Mafoum, bah aujourd'hui on a pris quoi alors? De nouveau, réellement? Mafoum Bihi. Ism Mawsoul Mouannaf Mufrada, Allati. On a pris Ta'anis Sakina, qui est un harf, voyez? Dalilun ala an al-fa'il Mouannaf, qui démontre que le sujet c'est un Mouannaf, c'est un féminin. Hiya. Voyez? Hiya. Et demain nos Kmil, Rabbi nos Kmil. Non. Et là, on a. Et l'Alhamdoulilah.